Phèdre, qui s'est empoisonné, a juste le temps de venir avouer sa faute à Thésée. Ce dernier décide alors de rendre à Hippolyte les honneurs funèbres et d'adopter Aricie.